une époque de guerre civile. À bord de vaisseaux spatiaux opérant à partir d'un studio d'enregistrement au sol coco qui ressemble étrangement à un salon, les rebelles ont emporté leur première victoire. Malheureusement, l'impitoyable Empire Disney, grâce à sa nouvelle arme appelée le pognon, a pour projet de ressortir un 45e film sur un conflit armé dans l'espace. Au cours de la sortie de ce film, des espions rebelles ont réussi à s'infiltrer au milieu de fanatiques en transe pour visionner le nouveau projet du seigneur Dark Mickey. Poursuivi par des sbires sinistres de l'Empire, la princesse Julie, le chevalier Jedi Michael, le space pilot Antoine et son fidèle ami fétichiste des déguisements à poils longs, Greg Baca, filent vers leur base à bord de leur vaisseau cosmique, porteur de messages qui pourront sauver leur peuple et restaurer la liberté dans la galaxie. Et à mes côtés ce soir, pour en parler, Julie, bonsoir Julie. Bonsoir. Michael, bonsoir Greg. Je sais pas à qui ça va. Bah, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous deux. Félicitations pour ton introduction. Merci, merci. J'étais très stressé. J'imagine un être quand même moitié Michael, moitié Greg, ça me fait un peu peur. Hein. Ça serait bizarre. Ouais. Bah, déjà, un Greg Baca, ça me fait flipper. Alors. Boah, je trouve. Étant donné que je suis noir, ça s'appelle un métis. Cette semaine, vous l'avez compris, on parle de Star Wars épisode 7, The Force Awakens, réalisé par J.J. Abrams en 2015, de 135 minutes, avec Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Adam Driver et Harrison Ford. Et pour ceux qui ne se souviennent pas, ça ressemblait à ça. Rien ne nous arrêtera. J'achèverai ce que vous avez commencé. On raconte toutes sortes d'histoires. C'est vrai. Tout est vrai. Les Jedi existent. Ouais, voilà. Ouais. Alors, ça me fait presque des frissons, moi, de réentendre tout ça. C'est assez fort, le son et tout. J'ai une question à toi, c'est pas la bande-annonce, c'est le film en intégrale, là, que tu me donnes. Non, non, c'est bel et bien la bande-annonce. J'avais pas de barbe avant que tu mettes la bande-annonce. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film, messieurs, dames? Commençons par Michael, tiens, parce qu'après, je sens que ça va être le jour et la nuit entre Greg et Julie. Il y a des chances. Bah, moi, je suis juste au milieu. Ah, bah, déjà, ce film, en fait, figure-toi que j'étais surpris. Ils l'ont déjà à la bibliothèque, parce qu'il est sorti en 1977. À chaque fois que quand je mettais le film, je pensais déjà à la blague de la bibliothèque, tu vois. Je me dis, s'il la fait pas, je vais devoir la faire, quoi. Bah, globalement, plutôt un peu déçu quand même. Voilà. Je retiens que 20 minutes du film, quoi, finalement. C'est vrai, c'est vrai que ça, c'est tout à fait vrai. Après avoir visionné ce film, tu t'arrêtes et tu te dis, putain, il y avait quoi au milieu? Je me souviens de la fin parce qu'elle est nulle, je me souviens du début parce qu'il est cool, mais au milieu, je ne me souviens strictement de rien ni du nom de personnage. Ouais, enfin après, en plus, les personnages, je les trouve pas hyper. Enfin, bonne prestation de Jean Sarkozy quand même en Dark Vador. Mais quand je l'avais. Yes. Ah, sinon, j'aime bien Oscar Isaac quand même parce que c'est Lewin Davis dans le film des frères Cohen. Donc, mais, d'ailleurs, sinon, Adam Driver était aussi dans le film des frères Cohen. Dans Inside Lewin Davis. Bah oui. Ah ouais, oui. Il faisait le chat, non? Je me souviens plus. Greg, qu'est-ce que t'en as pensé? Bah ouais, j'étais un peu déçu quand même. C'est pas non plus. Enfin, t'as vraiment l'impression de revoir le film d'avant, quoi. Y a rien de nouveau. C'est quand même un peu mieux fait. Puis c'est une fille et c'est pas un garçon. Moi, j'ai trouvé que c'était différent. Bah moi, j'ai vraiment l'impression de voir le new Dark Vador, la new Leia, ouais, le pareil, new quoi. Machin, c'est la vraiment, new, la new étoile noire. Non, il y a le Faucon Millénaire. Le new R2-D2 aussi. Oui, le new R2-D2 qui est Wally, hein, d'ailleurs. Hein, on ressemble plus à Wally. Ouais, on va en parler lui, hein, parce qu'il y a des choses à dire. Hein. Et le truc très très chiant, c'est que au début, bah, en fait, t'as le panneau et en fait, t'as une méga ellipse, c'est-à-dire que bah, avant il y avait les méchants, ils sont morts, et bah maintenant il y en a d'autres. Et bah ça quoi. Et puis c'est à peu près les mêmes. Hein. Et encore les trois épisodes. J'ai bien aimé les trois épisodes d'avant parce que c'est un peu politique et tout, ça t'explique un peu les histoires d'avant. Mais là, que dans la prélogie fait... Ouais. Mais je pense qu'on lui a reproché en disant ah, c'est trop politique et tout, que lui s'est dit ouais, bah, on va refaire comme ils aiment bien. Le 1, ils avaient bien aimé. On va refaire l'Empire contre-attaque, tu reprends. Bah, de toute façon, le 2, moi je vous dis exactement ce qu'il y a dedans. Ils vont reconstruire une planète encore plus grosse, c'est tout. Ouais, après, c'est ça. Peut-être que le deuxième, troisième, ils vont revenir un petit peu en avant. Comment, comment le New Dark Vador est devenu le New Dark Vador, quoi. Tu vois, c'est ça. Mmh. Au bout d'un moment, ça fait un peu... Non, ils feront des films au milieu Disney ou des jeux vidéo, quoi. Julie. Alors, non, moi aussi, j'ai été un petit peu déçue, je dois l'avouer. Alors, c'est, avec ce podcast, c'est la troisième fois que je le voyais, parce que je l'avais vu déjà deux fois au cinéma. Un film qui te déçoit, toi, tu le vois deux fois, tu le vois trois fois, quoi. Et non, en fait, la première fois, je crois que j'étais tellement en attente de quelque chose que j'ai pas du tout compris ce qui se passait et j'ai pas du tout apprécié. Et finalement, la deuxième fois, j'ai trouvé ça plus divertissant. La deuxième fois, tu t'es évanouie en un film tellement t'étais sous le choc. Non, je trouve ça assez divertissant, mais je reconnais énormément de copier-coller, de maladresse, de. Enfin, c'est du fan, c'est vraiment. Ah, bah oui. Mais c'est vraiment du fan service. Elle l'a reconnu, tu vois. Ouais, c'est voilà. Ça. En fait, après, c'est ce qu'il a fait. Mais le méchant, c'est un méchant, c'est un fanboy méchant. Il est fan de Dark Vador. Enfin, c'est vraiment le film des fans, quoi. Ouais. Bah, après, il est déguisé en Dark Vador d'ailleurs, tellement il est fan de Dark Vador, du coup. Bah oui. Mais après, en fait, le problème, c'est que ça surfe que sur de la nostalgie, d'un truc qui a 30 ans, quoi, tu vois. Et même quand tu passes, ce qui me fait marrer, moi, c'est quand tu passes dans les trucs de jouets pour les mômes, t'as des déguisements de Star Wars, tu vois, alors que les mômes, ils ont pas vu ça, c'était il y a 30 ans, tu sais. Et c'est-à-dire que papa, il va acheter un truc pour déguiser son môme en Yoda, mais c'est vraiment... Faut arrêter ça. Cool, je pense que tu choisirais Yoda, toi, pour déguiser ton môme. Je pense qu'il faut arrêter tout ça. Non, bah, là, il faut s'inquiéter, c'est... Après, moi, je pense qu'il faut vraiment, par contre, reconnaître quelque chose, c'est que les personnages sont... plutôt, enfin, c'était plutôt risqué de mettre une nana et faut le dire aussi un black. Mais qu'est-ce que c'est risqué? Au contraire, et ça commence à me casser les couilles, cette espèce. Il faut absolument que ce soit cosmopolite. Alors il faut une meuf, un black. Mais non, mais pas du tout. Dans la base des gentils, un trooper. Non, non, mais il y a que des chinois, des machins. Et à un moment, tu fais putain, mais on a compris quoi. Moi, je trouve que les personnages, en tout cas, sont intéressants et bien écrits. Moi, le personnage de Rey, c'est celui que je trouve le plus intéressant dans tout ça. Donc voilà. Et je trouve que c'est très beau visuellement, toutes les épaves de l'Empire, etc. Je trouve ça vraiment, vraiment très joli. Okay. Moi, juste pour ajouter, je peux dire mon avis quand même au bout d'un moment. Parce que attends, je peux pas parler. Ah, mais j'avais pas vu que t'étais là, Antoine. Ah, bonsoir. Moi, j'ai vu ce film deux fois. J'ai vu la première fois ce film avec mon père le jour de Noël dans une salle remplie de gamins au Cap-Vert de Dijon après une très mauvaise pizzeria dell'Arte. C'était insupportable. J'ai vu en VF. Cap-Vert de Quetigny. Mention spéciale au doublage de ce film où le pilote Poe est doublé par le mec qui double Ewan McGregor dans les trois premiers de la trilogie. C'est-à-dire que t'as deux personnages qui ont exactement la même voix, mais exactement la même. Alors, à quel point tu peux être aussi con? J'avais trouvé ça. On s'en dénonce. Ouais, vous l'avez énervé là. Non, pour le coup, j'avais en fait la première heure du film, c'est exactement ce que j'attendais d'un Star Wars. Je trouvais ça très très bien. Je trouve que la fin est nulle à chier, mais alors vraiment vraiment ouais, bien nulle à chier. Et à la fin du film, je me suis dit. Oui, hormis la dernière scène. Je me souviens même plus ce que j'ai vu. Je me souviens de rien du nom des persos. Je trouve que rien n'était charismatique. En fait, t'es tellement dans l'hommage qu'en fait, je trouve que tout. C'est ça le problème, ouais. J'ai dû le revoir pour prendre des notes. J'ai revu un très mauvais screener en espagnol. Je crois qu'on a tous revu le même. Hein. Mais c'était infernal. C'était turc. Incroyable. Mais ce qui est fou, c'est que la bande-annonce, je la revois, elle me donne des frissons parce qu'il y a tout ce truc-là, la musique, la puissance et tout. Mais le film, il est creux, mais hallucinant. Donc je suis très déçu. C'est pareil, moi, vu que je l'avais vu il y a trois semaines, le screener, je préfère vous dire que je l'ai pas. J'ai battu des records de vitesse. Il fallait juste que je me remémore les scènes. Là, j'ai claqué des fois 8, des fois quand même. Et vous, x8 sur un screener, je préfère vous dire, faut s'accrocher quand même. Hein. Moi, je donne aussi l'avis de mon père, parce que je suis allé voir avec lui. Je vais voir que des plaintes à gueule avec mon père, parce que lui, il est très, très, très vieille école. Et il sort, il m'a dit cette phrase, il me dit, non, mais c'est vrai que quand même, les Américains, ils savent nous en foutre plein la gueule. Hein. Pas comme les petits films français de merde. Allez, bam, dans ta gueule. C'est marrant, parce que moi aussi, j'étais le voir avec mon père. Mais je crois qu'il s'est endormi quand même. Non, mais en fait, mon père, il s'en fout totalement du scénario, quoi. Lui, il paye pour les effets spéciaux, quoi. Ah, il me dit, ouais, la dernière fois, je suis allé voir un film, et tu sais, un truc à la con d'enquête français. Il fait pas d'explosion, pas de bagnole qui paye. Et c'est fan de gauche, ton père. Et tu payes 9 €, tu payes le même prix qu'un Star Wars, il faut pas déconner. Là, pour dire un dernier truc. C'est pour dire un dernier truc. Un dernier truc, Seigneur Tintin. Non, je trouve qu'en fait, là où ils nous ont pas surpris, ils ont servi aux fans de Star Wars qui voulaient voir et puis terminé, quoi, c'est tout. Ouais, c'est un peu. J'ai bien fait de reprendre la parole pour dire ça. Hein non, mais je trouve ça fait. T'as bien fait de dire ça, ça fait 40 fois qu'on le dit. Alors, vous avez pensé quoi de Star Wars? On a jamais fait une intro aussi longue, mais bon, fallait qu'on donne notre avis. Tout le monde l'a donné. Pas déroulé tout le film. Numéro spécial, hein. Oui. De toute façon, en gros, il y a des explosions, il y a des vaisseaux, il s'enfuit, il revient, il s'enfuit. Bon, on parle de la dernière scène et puis voilà. Ce qu'on peut s'accorder à dire quand même, c'est que ça n'égalera jamais cette première trilogie des années 70, quoi. Enfin, c'est un chef-d'œuvre. Oui, personne. Mais de toute façon, c'est le problème de tous ces films dont on fait des remakes, des Indiana Jones, des Star Wars, des machins, des Terminator, c'est que. Bah, d'ailleurs, on pourra pas faire mieux. Moi, j'ai une question, c'est qu'en ce moment, à part des suites et des biopics. Et des remakes. Et ouais, il est sorti quelque chose au cinéma là, depuis 7 ans. Gaz de France, et c'est un très bon film. Ah. Alors. Le film s'ouvre sur les dernières personnes qui arrivent pour s'installer dans la salle avec une intro El Despertador de la Fuerza sur le film que moi j'ai vu. D'ailleurs, spéciale mention à ce connard d'espagnol qui a fait que étirer ses bras pendant la deuxième moitié. Ah ouais, celui à gauche là. En bas à gauche, il a fait péter un câble. Mais bon, toi en x8, t'as dû te démerder. Moi j'avais un chauve devant moi sur ma version. Comment il est souvent apparaître. Donc ça commence sur une planète sombre où quelqu'un vient chercher des documents secrets. Alors c'est pas pour le plan d'une étoile noire, mais c'est pour le plan d'un mec quelque part. Non, c'est son dossier Pôle emploi qui vient déposer, je crois. Crois-moi, je l'ai fait, c'est encore plus compliqué que les chercher sur une planète. Ça commence avec une petite anecdote avec Max von Sydow. Vous voyez qui est ce acteur? Ah, c'est lui. Bah oui, c'est lui absolument. Qu'il a pour à peu près 2 minutes, mais qui est un grand acteur qui a joué dans L'Exorciste, Le Septième Sceau, Les Fraises Sauvages. Judge Dredd. Tu vas nous faire toute sa filmographie parce qu'on en a pour 15 minutes. Okay. Oui, bah oui, je l'ai noté. Je vais faire les années aussi. Donc les Stormtroopers, bah, eux, ils arrivent directement sur la planète pour tout désinguer parce qu'il faut tuer tout le monde, parce qu'il faut récupérer ses plans. Il y a un petit côté... Oh, j'entends des mecs arriver, je sors dehors et il y a des 3000 manos qui tirent dans tous les sens. Bah, mec, tu veux dire une Jurassic Park? Un peu voilà, Jurassic Park sonore. Bah, sachant qu'avant d'arriver, ils sont arrivés en vaisseau spatial, donc ça s'entend quand même, les vaisseaux spatiaux. Un petit peu. À cette époque-là, on ne fait pas des vaisseaux trop silencieux encore. Hein. Alors, si, ils ont certains vaisseaux à l'électrique, ça fait vraiment un son. Ensuite, il y a. Les vaisseaux libres. Il y a un Stormtrooper, donc là, alors là, ça te change un Stormtrooper, ça te crée un doute sur soi-même de ouf. C'est s'il y a un autre Stormtrooper qui te fait une trace de doigt au sang sur ton casque, alors là. Ça te fait changer quoi. Bah surtout, il est tombé sur le seul soldat qui avait pas de gants. Ils ont tous des gants. Mais ça fait l'espèce de pire trace, tu sais. En vrai, t'as une espèce de vieille marque dégueu quoi. Vous avez pas dit quand même qu'on ouvrait sur le robot ballon de foot de la FIFA, non? Sur Wally, alors, si, on a moi, parlé. J'ai beaucoup de choses à dire sur ce robot parce que. Ça t'a rappelé des choses, Mickaël. Mais pourquoi ça m'a rappelé foot, des choses tout ça. Oui, un peu, ouais. Ça fait... Mais bon, j'ai quand même. Parce que moi je voulais en acheter un au début, mais le problème c'est que après je me suis dit, mais ça ramasse toutes les merdes déjà, parce que s'il roule dans une merde, après t'as quand même l'odeur à la maison. Ouais. Alors ça, excuse-moi, mais c'est un peu le problème avec tous les robots. Enfin, je veux dire. Ouais, alors, le problème avec celui-là, c'est que quand tu l'achètes, premier escalier, il est foutu. Quoi. Ah oui, il y a plein de cuts. Non, mais il y a plein de cuts où on voit pas, et puis d'un seul coup, il est à l'étage 5, tu vois. Mais tu vois qu'il a une méthode très, très particulière, mais c'est vrai que c'est pas pratique. Alors ensuite, t'as le méchant, t'as Guy-Man des Daft Punk qui débarque. Alors, est-ce qu'on peut déjà m'expliquer pourquoi ce mec a un casque alors qu'il a pas, il est pas défiguré? Il a aucun problème. Il a pas d'asthme. Mais mec, parce que c'est stylé. Non, mais en fait, il y a une scène. Il a une gueule d'ange, à mon avis, qui veut pas montrer sa tête. Tout le monde rirait à son nez. Non, je sais pas. Ah mais non, enfin moi j'ai. Alors pourquoi il enlève son casque? Alors, c'est ça la question. Dembo, Si moi excuse-moi, quand t'as la force et que tu veux que les gens ne rigolent pas. C'est non mais déjà, quand t'es le gosse d'Harrison Ford, s'il te plaît, tu ressembles pas à ça. Hein. Mais c'est le gosse de Sarkozy, c'est pas le gosse d'Harrison Ford. Alors c'est totalement Jean Sarkozy effectivement. C'est pour ça qu'ils veulent le pouvoir. Ils veulent le pouvoir. Mais alors. Le pouvoir et la force. Au bout d'un moment, faut choisir. Et non mais surtout. Enfin, moi j'ai vu la scène coupée. Pourquoi il porte un casque? C'est en fait, il l'explique à l'empereur. C'est l'empereur qui lui oblige. Bah, c'est parce qu'en fait, il y a des fans de Star Wars qui veulent un méchant avec un casque. Et du coup, il en a un. Quoi. Tu mettras voilà. Ce casque. Et lui fait ouais, mais ça fait trop chier quand je respire et tout. En plus, ça fait pas un peu trop comme Dark Vador. Un petit peu différent, il sera. Un tout petit peu. Ça lui fait une voix de méchant en plus. C'est alors, ça qui change sa voix. C'est la première attaque, la première capture, puisqu'il va y avoir beaucoup d'attaques, de captures et d'évasions. Ouais, ce film. Bah, c'est un peu tout le film. Hein. Première capture de pilote. Alors, le pilote se fait capturer. Mmh. Et du coup le Stormtrooper qui a des doutes sur lui-même va enlever son casque et on s'aperçoit que c'est un black qui transpire énormément du visage. Très stressé. Ben franchement, il a mis la combinaison d'hiver aussi. Il pourrait avoir des lingettes. Hein. moi j'ai une question, à quoi sert cette combinaison en plastique des Stormtroopers? Parce que de toute façon le moindre tir, il meurt. Enfin, tu vois, ça n'a vraiment pas de sens. C'est pour faire du bruit quand ils marchent tous ensemble, non? C'est pas ça. Oui. Ensuite, nous sommes directement téléportés sur Tatooine, la planète désert. Ça rappelle un autre film. Oui, Jakku. Moi, j'appelle ça Jakku. Ils ont pris les mêmes décors. Et alors là, il y a un personnage qui fait un peu tâche dans ce décor de milliards d'extraterrestres super moches, extrêmement bizarres. Il y a une fille avec un visage angélique qui est là. Et ouais. C'est, genre, tout le monde est fan de cette nana, je comprends pas trop. Bah, moi, je la trouve bizarre. Je la trouve. Ouais. Elle est comme Keira Knightley, sauf qu'elle a pas les dents en avant, je trouve. Non, mais pour le coup, elle est bien castée, tu vois. Elle est super belle, mais elle est pas trop belle non plus. Elle est féminine, mais pas trop. Enfin, elle colle parfaitement au rôle de Jedi. Enfin, tu vois, c'est clairement la princesse Leia d'avant. Non, tu vois, c'est là, pour moi, elle, je l'ai appelée la New Leia, quoi. Tu vois. Ouais. Ouais. Sauf que t'as la Old Leia aussi dans le truc. Donc va falloir quand même. Par contre, il y a pas. Et le Black, en fait, c'est le New Han Solo, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Ah, j'ai bien compris. Ouais. Hein. Mais il y a pas de New Chewbacca. Et alors bon, elle. Parce qu'il y a l'ancien Chewbacca qui reste. Elle en chie, elle est pauvre, ça rappelle aussi un autre personnage dans un autre film, et elle tombe sur un petit robot, le petit robot qui roule. Oui. Et lui, il veut rester avec elle parce qu'ils sont affectueux, les petits robots. Oui, ils sont très affectueux. Et elle lui dit, non, demain matin, tu pars. Hein. Je veux bien que tu restes la nuit et demain matin, tu pars. Mais c'est quoi le concept d'héberger un robot pour une nuit? Les robots, ça salope tout, il va foutre de l'huile partout, je le connais. Non, mais je veux dire, un robot, ça n'a pas la notion du temps. Tu peux pas lui dire, par contre, demain matin, c'est bon, tu te casses. Hein. Ah, alors, les robots, ils savent. Hein. Déjà, d'une, il y a une scène coupée où il la contacte via Airbnb. Et surtout, la question que je me pose sur les robots, c'est que le concepteur du robot, t'as vraiment marqué ce robot. Oui, ce robot il m'a marqué. Non, mais t'as déjà répondu pour le caca, Michael. Non, mais ce qui est marrant, c'est que son concepteur. C'est pour parler du caca, c'est pour ça. Il le programme pour qu'il parle la langue robot. Ouais. Et donc, du coup, il parle aucune autre langue et c'est les humains qui doivent parler robot. Oui, c'est ça. Ça aurait été plus facile d'apprendre le français au robot plutôt que nous, on doit apprendre le robot. Mais bon, visiblement, ça pose de problème à personne. Apparemment, il parle robot et basque. Ça, c'est bizarre. Non, mais c'est vrai que c'est hyper chiant. T'imagines, faut faire robot deuxième langue, puis il y a l'air d'avoir plein de robots différents, quoi. Ouais. Mais parce qu'il parle pas comme les anciens robots. Regarde. Ah non, ils ont un autre langage. R2-D2, il parle pas comme ça. Hein. Non. Il a un langage tout à fait différent. Ouais, Je sais même pas s'ils se comprennent entre eux, en fait. Si, ils se comprennent. Bah, il parle la langue. Non, il la comprend, mais il ne la parle pas. Ah, c'est peut-être ça, ouais. Alors ensuite, petit cut, parce que c'est l'évasion numéro 1. C'est-à-dire que le Stormtrooper qui a des doutes, qui a enlevé son casque, qui est en fait, décide de quitter l'Empire parce qu'il se dit putain, mais en fait, c'est pas terrible ce qu'on est en train de faire. Il va déserter et du coup, automatiquement, il va libérer le Space Pilot qui venait d'être capturé. C'est quand même un bel exploit. Parce qu'il a besoin d'un pilote. Ouais. C'est l'une des évasions les plus faciles du cinéma, hein, franchement. Il y a quand même un super antivol sur le vaisseau. Ouais, moi, je te trouve un peu dur, il y a une énorme chaîne. Ouais, après, bon, il est quand même obligé de se barrer en vaisseau spatial. Parce que s'il prend la voie habituelle des mecs qui se barrent comme les évadés, par exemple, il tombe dans l'espace. En fait. Il arrive avec une trappe. Ah yes. Non, vous remarquerez que dans l'espace, on n'étouffe pas, puisque dans un des vieux, il y a Luke qui est suspendu sous un vaisseau spatial en attendant qu'on vienne le récupérer en vaisseau. Et ah oui, il arrive en skate, mais tu ne comprends pas que speed. Ouais, mais c'est un Jedi. Et alors, en fait, ça valait le coup quand même qu'il y ait cet antivol, parce que ça a permis de faire 1100 morts. Parce qu'en fait, du coup, ils sont accrochés, mais le vaisseau, il tire à l'intérieur et tue des milliards de Manos. D'ailleurs, il y a les milliards de Manos qui tirent sur le vaisseau, mais le vaisseau n'a rien. Tu vois, il réussit à se barrer. Et puis, hop, il réussit à sortir. Vaisseau. Et surtout, le Black Ops, il a aucun scrupule à tuer tous ses anciens potes, quoi. Ouais. Il est là, genre, yes! Et il tire comme un dingue. Ce qui est marrant, c'est que c'est le seul. En plus, ce qui est un peu nul, c'est que c'est le seul trooper auquel on s'attache, déjà parce que c'est le héros, mais simplement aussi parce qu'on voit la gueule d'aucun autre trooper, quoi, tu vois. Tous les autres troopers, ils sont dépersonnalisés, sauf lui. Et c'est pour ça. C'est malin, tu crois pas que ça serait peut-être fait exprès? Justement. Comme elle te met des leçons de cinéma, frère. Mais non, mais c'est pas des leçons de cinéma, c'est justement des leçons d'incohérence. Moi, je t'apprends l'incohérence. Si tu veux, on arrête le podcast là, franchement. Et du coup, ils vont s'enfuir en vaisseau, ils vont se faire tirer dessus. Et du coup, ils vont avoir un petit accident et s'écraser dans le désert de la planète Tatooine. Mm-hmm. Pas de chance, hein. Elle était juste à côté. D'ailleurs, il y a des sables mouvants, mais juste à l'endroit où il y a le vaisseau. Je sais pas si vous l'avez remarqué, c'est tout ça, sur lui. Voilà. Ah bah sur Tatooine, ça peut arriver comme ça. Hein. Et le mec décide de. Jakku la fripou. Ah oui, je confonds. Bah, non, je retire ce que j'ai dit. Le mec, il décide de marcher totalement en random dans le désert. Mec, tu vas crever. Hein. Il a rien, il marche et pouf, il tombe sur une ville. Sa veste. Et il rencontre la fille direct. Hein. Ça, c'est surtout, il est clairement habillé tout en noir. Moi, je me serais mis à poil. Hein. Désolé de le dire, mais dans un désert avec une combinaison noire. En même temps, ça, il est noir, le gars. Donc, c'est pas si chaud Tatooine. C'est pas si chaud Tatooine. Bah, ça dépend à quelle heure. Hein. Ouais. Et remarquez quand même qu'il a toujours sa petite veste en cuir qui fasse, qui fasse 45 degrés ou moins 20. Hein, parce que quand il est à la fin dans les Alpes. C'est son ami qui croit mort. Ouais, mais c'est stylé. Bah, oui. Il va pas la laisser. En plus, elle est stylée cette veste. Stylée. Et toi, tu vas te l'acheter, toi. J'aimerais tellement, mais non, ça doit coûter très cher. L'Empire décide d'envoyer des hommes sur place à leur poursuite. Ah ! quelqu'un à bord de la capsule. On voit des traces de pas. Ça vient d'un droïde, ça. Voilà. C'est le film qu'on m'a donné à la bibliothèque. Ouais. Effectivement, j'ai pas. J'ai préféré prendre les extraits de l'autre film. Je l'avais en qualité Blu-ray. Donc là, ensuite, il rencontre la nana dans le village. Et je trouve qu'ils sympathisent rapidement. Et t'as deux soldats de l'Empire. Ils se font quand même une torgnole avant ouais, de. Ils se font ouais. Ils se font une petite. Ouais. C'est vrai qu'ils se font un peu dominer. Ils se font une dérouillée, ouais. Et t'as deux soldats de l'Empire qui arrivent. Très discret, hein. Très discret, qui font ouais. On cherche un robot et tout. Et le plan d'après, il y a une méga attaque de vaisseaux qui tire dans tous les sens. C'est, ouais. C'est qui a dit bon, on va envoyer deux manos et ensuite on va directement faire un bombardement. donc là, c'est le bordel. Il y a la grosse attaque. Et comment ils vont s'enfuir? Ils avec vont monter. Avec un vieux coucou. Un vieux coucou, exactement. Ah, oui. Qu'est-ce que c'est? Coup de chance, hein. Coup de chance ça, parce que il arrive sur comment s'appelle déjà la planète? Jakku. Il arrive sur Jakku, tac, il tombe la meuf, et directement le Faucon Millenium qui est là. Et ouais, plus il y a du fuel dedans, donc ça c'est quand même mortel pour s'enfuir quoi. Sachant qu'il était cassé depuis des années, mais en 2-2 elle fait ah mais en fait il fallait appuyer sur ce bouton. C'était juste une vidange, à faire. Oh le gros con, il y avait les freins à main. Hop, on s'en va. Et hop, c'est parti. Il y a un truc qui est marrant, parce que pendant qu'il s'enfuit, il y a vraiment la guerre totale, parce que là, il y a des milliards de vaisseaux qui bombardent dans tous les sens. Ouais, la guerre des étoiles. Et là, le Faucon Millenium, il décolle, et il y a le mec à qui ça appartenait, genre le vieux méchant. Il sort, il fait « Ce vaisseau est à moi !» Non mais mec, va tout à couvert, enfin là, ça tire dans tous les sens. Tu t'en as à foutre de ton vaisseau, tu vas crever, c'est sûr. D'ailleurs, c'est lui qui donne la gelée à la meuf, non ouais, c'est lui. C'est hein ça, ouais. Ouais, t'as vu, en fait, il faut expliquer qu'elle va chercher des pièces sur des vieux vaisseaux, elle les échange contre la gelée pour faire de la panna cotta, je comprends pas. Oui, c'est ça. D'accord. Mais il est beau ce plan, il t'a donné un peu des frissons quand même. Ce plan-là avec le Faucon Millenium qui reprend les airs, Antoine. Bah, dans la bande-annonce, il me file des frissons parce qu'il dure quelques secondes. Dans le film, je sais pas pourquoi, ça m'a pas fait. Si je mens. Sur ce plan-là, ouais. J'avais trouvé ça vraiment très cool. C'est après. Moi, c'est Harrison Ford en fait qui va me casser les couilles dans ce film. Ouh là là là là. Avec son espèce de paralysie faciale là, franchement, il aurait dû faire un caméo et c'est tout quoi. Harrison Ford, on va en parler. Hein. Alors, il y a un truc que je trouve marrant. Ça, et alors ça, c'est vrai dans toutes les scènes de combat dans l'espace. Le mec qui est sur la tourelle de tir du Faucon Millenium, c'est celui qui est en haut de la tour là. Celui qui est dans les tours. Celui qui est monté dans la tour. Celui qui est dans les tours du Faucon. Lui, il est à l'arrière et l'autre, elle pilote. Et ils sont à l'avant. C'est vraiment une autre pièce. Bah, et oui. Dès qu'ils se parlent, ils se retournent genre ouais, t'as vu comment j'ai fait. Non mais mec, ça sert à rien de te retourner. Il est à l'autre bout du vaisseau. C'est comme si dans un 747, tu sais, je parle à l'hôtesse qui est au fond et je fais Karine, tu prends un café. Bah, elle entend pas. Là c'est pareil, c'est le cycle infini, évasion crash. Évasion crash. Alors attends, juste avant il y a un mec qui vient annoncer à Daft Punk qu'ils ont pas réussi à les capturer. Et là il va vraiment ruiner sa console de mixage. C'est le moment crise d'adolescent ça. Il va vraiment monter dans les tours pour Il va vraiment mettre des coups de pied de micro dans la console. Dans les tours, hein. Ils vont dans les tours. Ça aussi ça fait partie du cycle infini en fait. Je rajoute ça, c'est donc évasion crash et New Dark Vador qui casse ses trucs. Ça revient plusieurs fois dans le film aussi. Mais ça revient cher surtout parce que t'as vu il y a quand même du matos hein, qu'il faut. Il en a rien à foutre. Il pourrait faire ça avec la force, genre discretos, personne me voit et tout. Tac, je fais péter un truc avec la force à l'autre bout de la terre. Non, faut qu'il casse ce qu'il a devant lui. C'est propre jouet. C'est vraiment du caprice. Tu sais, genre les mecs qui font les comptes. Putain, il a encore pété deux consoles. Alors là, ensuite. Un compte de résultats. Ils ont réussi à s'enfuir, mais ils vont se faire capturer. Voilà, nouveau. Alors, c'est la capture numéro 4. Ils vont se faire capturer par le vaisseau de Han Solo. Qui va monter à bord du Faucon Millenium. Là, tu as un peu de frisson parce que tu dis c'est un caméo, je vais profiter de chaque image que je peux voir d'Harrison Ford. En fait, tu n'as pas besoin parce que tu vas le voir pendant 2 heures. Ouais, bah, moi, c'est pas plus mal. Ouais, en même temps. Moi, ça m'a pas déplu. Ouais, moi, ça m'a grave déplu parce que. t'as Han Solo qui arrive et il fait. Ah, bah, tu te dis, mais putain, ah, bah, il y a Harrison Ford qui est là, mais qu'est-ce qu'il fout là et tout, parce qu'il s'intègre pas du tout, je trouve. J'y crois pas une seconde non, à Harrison Ford. Moi, je trouve qu'il fait pas trop Han Solo en réalité. Il est vieux, il a pas envie d'être là. C'est typiquement le personnage que tu n'as pas envie de voir vieux. Imaginez qu'il est dans l'espace avec Chewbacca. Non, mais même, dans je trouve qu'il a. Avec non, mais c'est-à-dire qu'il a, il a un truc dans l'œil qui est mort. Il a un peu un truc de. Bah, il est vieux, quoi. Qu'est-ce que je fous là, quoi. Mais tu vois, non, mais il a vraiment ce truc-là. Il a pas envie d'être là, quoi. Il a pas envie d'être là. Et surtout, en fait, il a pas un côté triste vers la fin quand il va mourir. Je trouve qu'il a un côté triste parce qu'il fait toutes ses gimmicks, genre Choui, parce que ça s'arrête jamais aussi. Les mini clins d'œil, les mini tac-tac, ouais, les mini trucs à tous les fans. Nostalgie, là, t'es en train de te rendre compte que t'es triste. Et je pense que même lui, il fait, bah franchement, je sais pas si c'est une bonne idée, Gigi. Et je trouve que même ses fringues, ça marche pas. Pourtant, c'est les mêmes fringues qu'avant. Et même dans ses fringues, c'est justement parce que c'est les mêmes fringues qu'avant que ça marche pas. Ouais, c'est peut-être ça. Mais c'est pareil, en fait, dans Indiana Jones, il est aussi nul. Tu dis, bah pourquoi il y a Harrison Ford dans le film, qu'est-ce qu'il fait? T'as l'impression qu'il est en train de marcher. Ah, l'autre, il est passé dans le film. Il va refaire un Blade Runner, il va refaire un Indiana Jones, il va y aller. Ouais. Il va refaire le Fugitif. Non, je pense pas. Dommage. Putain, mais dans le Fugitif, il aura un déambulateur. Ouais, ça va vite s'arrêter. Il est là. Bon, bah voilà. Et là, on a. Mais c'est vrai qu'il est triste. Hein. Là, on a une négociation entre un mec de Glasgow et un Chinois. Ah oui. Mais qu'est-ce qu'il beau. Pourquoi lui, il a un putain d'accent Mais oui, c'est ce que je me suis dit aussi. Moi, j'ai mis bataille des boys band avec la bande à Besson. Parce que je me suis dit que les Chinois, ça devait être les Bessoniens. Non, mais c'est vrai, l'autre, il a un accent de roast beef au couteau et l'autre. C'est ça, ouais. De roast beef au couteau. Alors, j'ai une question à poser par rapport à Han Solo, mais à Chewbacca. Ouais. Oh, tu le fais très bien, Léon. Bah oui, oui, c'est incroyable. Moi, je voudrais savoir, parce qu'il a quand même des poils longs, il doit sentir mauvais quand même au bout d'un moment. Surtout qu'il a vieilli aussi, il est comme Han Solo, il a vieilli, il a pris 30 ans. Ça se voit d'ailleurs. Ça aurait été trop marrant, tu sais, qu'il ait des poils blancs, qu'il les perde toutes les 2 secondes. Dès que tu le touches, il y a une poignée de poils dégueu. Et alors là, ce qui aurait été marrant, c'est que ce soit Alf à sa place. Alors là, c'est virement choco pendant cette négociation. Ça va être l'évasion numéro 6. C'est la scène des bébêtes. C'est la scène avec des bébêtes, parce qu'il y en fallait, il y en avait un aussi. Donc là, c'est les bébêtes qui ressemblent à rien, ça ressemble à des trucs tentaculaires. Ouais, ouais. Ah, c'est stressant. Je fais une parenthèse, mais on n'est pas passé loin des Ewoks non plus, et je suis bien content qu'on. Ah, mais non, mais ils seront dans le 2. C'est sûr et certain. Ils seront dans le 2 et 3. Dans le 9, du coup. Alors, j'aimerais, parce que là, on découvre enfin le grand méchant, l'empereur. J'aimerais faire un point méchant. Snoke. Donc du coup, t'as Daft Punk, un connard d'école de commerce, ouais. Et un Gollum en géant, quoi. Ah non, j'allais dire Voldemort. Non, mais en plus, le Gollum, là, c'est un Voldemort, hologramme. Voldemort. Ouais, c'est un hologramme. C'est un Gollum Voldemort. Ça se trouve, il est tout petit. Et il s'est juste fait un gros hologramme pour le kiff. Il fait un hologramme de 90 mètres. C'est pour le kiff, frère. Et ça, ils se sont inspirés de cette statue célèbre qu'on voit aussi dans La Planète des Singes, d'un président des États-Unis célèbre que vous connaissez sûrement, qui est assis sur sa chaise. Abraham Lincoln. Bien vu. Mais t'inquiète que quand les technologies comme ça, elles vont débarquer, les concerts de Booba, ils seront géants. C'est les gars avec des sur ego, c'est sûr, ils vont se mettre en gros sur la scène. Et non, et ça c'est pareil, c'est encore le truc que je reproche au film, c'est-à-dire qu'on n'explique rien. Ce gars-là, on sait pas qui c'est. Bon, on sait que c'est le méga méchant parce qu'il a une gueule de méchant. Non mais tu vois, c'est nul, sort de nulle part. Non mais ça, je suis absolument d'accord. Non, et alors là, attention, il est passé par la voie traditionnelle. Temps, il avait déposé un CV, la démotivation. Pour le coup, là, je te trouve mauvaise langue parce que l'empereur, le méchant empereur, on t'a jamais expliqué dans la première trilogie qui c'était avant que tu vois la prélogie avec Palpatine, etc. Enfin. Non mais moi, j'ai pas attendu encore 25 ans avant de savoir qui c'est. Absolument rien à voir. Absolument rien à voir parce que dans la première trilogie, on n'explique pas. Non, mais si. Hein. À mon avis, il y aurait une trilogie entre la deuxième trilogie et la troisième trilogie. Je me suis posé la question. Non, mais absolument pas d'accord avec ce que tu viens de dire, parce que dans la première trilogie, on n'a rien sur l'empereur et méchant, machin, mais on a de la place pour créer un personnage. Oui. Là, il n'y en a pas, puisque avant, on a d'autres films où on sait ce qui se passe, et du coup, ça, on n'a pas du tout une histoire de ce mec-là, ou si on l'a, il faut la faire tenir en 40 ans. C'est plutôt maigre. Hein. Bah, j'espère qu'il m'entend, Georges. Hein. J'espère qu'il m'entend. Ah, c'est plus Georges qui décide, hélas. Alors là, le plan. Avant, on avait l'étoile de la mort, tu peux péter une planète. Ensuite, tu as l'étoile noire, tu peux péter 2 planètes ou une, mais plus vite. Maintenant, tu as la planète de la mort, alors là, tu peux péter 8 planètes. Je crois que ça s'appelle la new planète de la mort. Alors moi, je pense que je sais ce qu'ils vont faire dans la prochaine trilogie. Hein. Le système solaire de la mort, et tu pourras péter 12 systèmes solaires. C'est toujours la même chose, quoi. C'est un biron qu'envoie un laser. Sauf que là, le laser est rouge, quoi. Ensuite, il y a un point force. Alors ça, c'est assez fort. On l'entend dans la bande-annonce. T'as les deux novices qui rencontrent Han Solo, qui a vécu la première guerre, machin. Et il dit, la force et les Jedi ne sont pas une légende. Ils existaient vraiment. Et là, tu te poses la question. Tu dis, non mais attends, c'était il y a 40 ans, pas 1000 ans. Et le Black, en plus, il a pas fait gaffe que son chef, le Daft Punk, il avait des putains de pouvoirs. Il allait être là, genre, putain, la force. Bah, tu faisais que ton avis, il fait comment pour faire voler des trucs? Il y a un truc que... Non, mais ça a aucun sens. C'est ça. Surtout que dans la première scène, il arrête quand même un putain de rayon laser. Et il est là, en plus, il le voit. Et là, lui, il se dit pas... Putain, il est chelou quand même. Moi, ce qui me fait marrer aussi, c'est que tout le monde parle de Skywalker, tu vois. Genre... En fait, tout le monde est focus sur Skywalker. Alors que Skywalker, bon, tout le monde s'en branle, il est là sur Skywalker. il est là sur, il est là en Islande et en Écosse. Et, ouais, en Écosse et je sais plus ce que je voulais dire, mais quand ça me reviendra, je vous le dirai. Bah, ça... non mais tu vois, c'est un peu une légende qui est là tout le temps, oui. Genre. Mais tu sais, c'est comme dans un film, c'est genre la légende du film, quoi. Sauf que là. Mais ça a lieu il y a 40 ans. Enfin, tu vois, il y a un moment, c'est pas genre c'était il y a 2000 ans et c'est un truc qui passait d'époque en époque, quoi. Bah ouais, sinon Han Solo, il serait vraiment dans un piteux état. Et puis tout le monde cherche piteux. Tout le monde cherche Skywalker comme si c'était vraiment la clé du truc, tu vois. Bon. Ah mais ça, oui, tu n'en sais rien. Attends les prochains. Oui, mais enfin bon, si c'était parce pas que le mec, le mec là, en attendant, il attend en Écosse, là, il est en train de se faire entraîner par Sean Connery. Et il va en couper les têtes, hein, le mec. Hein. Alors, ensuite, il décide d'aller sur la planète Naboo, la planète verte, je sais plus comment elle s'appelle. Et là, il y a un truc qui m'a fait marrer. La jolie fille, je sais plus comment elle s'appelle, Ray. La jolie fille. La jolie damoiselle. New Leia. New Leia, c'est ça. T'as Harrison Ford, il vient la voir, il fait... Ouais, écoute, on a échoué, on se sent un peu seul et tout. Et je me suis dit, putain, il la branche. Genre, les marres d'être avec Choubi, il sent mauvais. Choubi, mais comme ça qu'il l'appelle, c'est son petit nom. Mais du coup, tu sais, je l'imaginais, tu sais, trop à l'enfer, la bouffe et tout, c'est le truc l'enfer avec l'autre à poil long qui tue, l'espèce de connard super misogyne qui lui fait que des blagues toutes les deux secondes et qui se retourne vers Choubi en faisant. Hey. Moi, je trouve ça un super taf quand même qu'on te propose d'aller bosser dans le Faucon de Millennium. Ouais, mais c'est. Ah, mais attends, de toute façon, t'as pas de ticket resto. T'as pas de prime de Noël. Je peux te dire que c'est pas si évident que ça. De toute façon, globalement, dans la galaxie, t'as pas beaucoup de boulot. Parce que soit tu bosses sur l'étoile noire, soit t'es indépendant et là t'es avec Han Solo, mais bon, les places sont déjà prises. Soit t'es sur Tatooine, ou soit, bon, de toute façon, il y a 4 lieux dans l'univers, en fait. Il y a 4 lieux et 10 personnages. Donc t'as pas trop de choix, quoi. Et sur chaque lieu, t'as qu'une ville et deux rues, quoi. À chaque fois, ils atterrissent au même endroit. Tu sais, genre, tu peux pas arriver du mauvais côté de Tatooine. Ah merde, on a 6 semaines de marche. Tu m'étonnes que là justement dans la scène qui suit là, tu sais, ils vont au bar, bah tu m'étonnes que le bar il est blindé, il y a qu'un bar. Il y a qu'un bar sur cette foutue planète, sur cette putain de galaxie. Ils viennent de recevoir le RSA parce que moi j'ai vu les chiffres, il y a un sacré taux de chômage à Jakku. Hein. Et alors là du coup, ils arrivent dans la taverne des massives. Allons, des deux, ne traite pas. Alors Greg vient de se rendre compte que c'était les extraits du 1. Il a vraiment regardé super vite. Je me suis pas alors, oui, alors par taper effectivement. Je ne sais pas pourquoi, au lieu de mettre une musique exceptionnelle comme celle-ci, là ça a été remplacé par un espèce de truc de massive, genre reggaeton, bien vénère. Bah, il s'est passé 40 ans, les modes ont changé, mon vieux. C'est vrai. Ça tourne. Hein. C'est vrai. Et du coup, bah, il a peur, notre ami le Stormtrooper repenti, et il veut partir. Ouais. Débarquez-moi. Ouais. Bon, il en profite pour faire un petit rapido avant de partir, quand même. Bien flipper. Ce qu'on avait précisé, c'est quand même qu'il ment depuis le début en disant qu'il fait partie de la résistance, ah oui, alors vrai. Qu'en fait, pas du tout, quoi. C'est vrai. Ouais. Et alors là, il va y avoir la séquence Game of Thrones, rêve dans la cave, là. Ah oui. C'est chiant ce truc de rêve là. Ah oui, ça c'est le seul truc de nouveau et alors c'est vraiment nul quoi. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça. Bah c'est mystérieux, hein, on se demande. Alors Ré c'est la fille de qui? Moi je vais trouver plein de noms de famille. Donc Ré partout, parce que Ré partout. Réconfort, parce que ou réconfort. Ou réglisse. Réglisse. Hein. Ou répétition. Enfin voilà, il y en a qu'est-ce plein. Qu'est-ce qui se passe? Rien du tout là. Mais attends, c'est quoi là? Wow. Tu réécouteras le podcast, Antoine. Alors, il y a plein d'hypothèses. Hein. Moi, je pense que c'est la fille de Sarkozy aussi. Hein. Alors, Darth Punk, là, il est tellement fan. Il est fan de Darth Vader. Il a son masque tout fondu. Moi, j'ai une question. Où est-ce qu'ils sont passés les gentils fantômes des Jedi? Tu sais, quand tu meurs, tu réapparais en fantôme et tu deviens sympa. En hologramme. En hologramme. Et là, il n'y en a plus. Et puis ils peuvent pas. Bah non, parce que là ils sont en train de le préparer pour l'épisode prochain parce qu'ils veulent vraiment faire un truc encore plus grand, un hologramme vraiment très très grand. Mais peut-être que les fantômes ont une durée de vie particulière qui ouais. est inférieure à 40 ans. Ouais, puis il y a peut-être que le petit gamin qui les voit aussi. après. Il est mort d'une bronchite ce gamin. Là. Et ensuite c'est le congrès de Nuremberg. avec tous les Stormtroopers. Alors ça m'a vraiment fait marrer parce que du coup c'est très marrant. On est sur la planète laser. Il y a un espèce de rayon laser de 100 mètres de diamètre, un laser 2000 qui va exploser 9 planètes qui sort et il oblige tous les man à regarder sans lunettes de protection. Mais le machin, ça te fait fondre les yeux en 2 secondes, quoi. Mais moi, ils ont les casques quand même. Ce que j'ai trouvé marrant, c'est de reprendre une esthétique, tu sais, qui avait été utilisée par les nazis, genre 90 000 ans avant, et surtout à 90 milliards d'années de lumière d'ici, tu vois. Et quand même, c'est pas mal, on va reprendre ça, quoi. C'est pas censé se passer dans le passé, Star Wars, justement? Si. Le fameux il y a bien longtemps d'une galaxie lointaine. Bah, moi, du coup, c'est sans doute les nazis qui sont inspirés de ça. Ah, merde, attends, pour moi, j'avais pas compris. C'est dans l'autre sens. Ah, pardon, j'ai pas compris. Ensuite, c'est l'attaque numéro 37 sur la planète. Attends, il y a une évasion d'abord. Oui, oui. Évasion, c'est marrant ce que j'ai tapé. Attaque numéro 37, bordel, sabre laser, 1v1, capture, évasion. Bah, voilà, je pense que c'est assez clair. Donc là, notre ami FN. Finn. Oui. On va l'appeler Finn, hein, c'est mieux. C'est pas les FN. Il va faire un combat au sabre laser avec un autre mec. Alors c'est trop marrant parce que tu sais, il y a un Stormtrooper, il pourrait tirer dessus et il fait trop facile, je vais moi aussi prendre une épée pour qu'on fasse un vrai duel. Ouais, ouais. C'est vraiment sorti de nulle part. C'est-à-dire cette arme. C'est quand même efficace. Ouais. Moi, je trouve ça... Mais ils font d'autres trucs que les sabres, genre les cutters laser ou les couteaux à fromage laser. Non Monsieur bricolage laser, tu peux tout trouver. Et alors là, la fille Jedi va se faire capturer. Capture par numéro Kylo Ren. 74. On n'a pas parlé de ce nom de méchant, Kylo Ren. Non, ça vous a pas... Kylo Ren, ouais. Ça n'a pas une spécialité flamande. Je vous en mets combien flamande, hein. Kylo Ren. Je mange pas de lardons. Moi. C'est l'empereur Flamencu. Et alors là, c'est l'évasion numéro 65, puisque nos amis ils vont se faire capturer, Han Solo et le Stormtrooper. Mais la rébellion arrive pour les sauver. Donc là, c'est l'attaque numéro 84. Et d'ailleurs, la résistance, c'est-à-dire que depuis 40 ans, depuis la chute de l'Empire, la résistance, elle est toujours active. Parce que ça a changé. Avant, c'était la rébellion. Maintenant, c'est la résistance. Ouais, mais c'est débile. Révolution. Un jour, t'as un mec de l'équipe marketing. Non, on change tout. De la rébellion, tout fait. Franchement, il faut qu'on change de logo. Il faut qu'on crée une nouvelle image. Il faut qu'on ait une page Facebook aussi. Eux, ils se sont appelés le nouvel ordre. Il faut nous aussi qu'on passe à la rébellion. Mais on change les vieux vaisseaux ou pas? Non, celui-là, on le garde, il marche encore. On change les logos. Ils nous font un Twitter. Le premier ordre, ils font que tweeter là. Mais c'est vrai qu'ils sont encore sapés années 70, quoi, la rébellion, quoi. C'est un peu craignos, quoi. Mais donc, du coup, alors oui, là, mais Christophe, il a un compte MySpace qui nous a créé. Mais MySpace, c'est démodé. Oh, j'ai retrouvé Han Solo sur Copain d'avant. Donc là, du coup, Leia revoit Han. Moi, j'ai appelé ça l'instant câlin. Tout le monde se fait des câlins. Finn fait des câlins à Poe. Ouais, pas Chewbacca parce qu'il pue. Alors là, BB-8 fait des câlins à R2-D2 qui fonctionnent pas. Pendant le film, mon père s'est tourné vers moi et m'a dit quand la princesse Leia vieille arrive, mon père, il fait « On dirait une tenancière de bistrot. » Et encore, il a été sympa. Hein. On dirait trop une meuf de bistrot dans le 11e. C'est que c'est une espèce de chemise cargo, là. Ça non, mais coupe, c'est vrai. Ça coupe un peu de Manos, c'est genre qu'elle a. Tu sers quoi? Est-ce que c'est le début de la fin de la telenovela de l'espace? Parce qu'en fait, commence à y avoir des trucs. C'est genre, ah machin, c'est le fils de machin. En fait, machin, c'est ton fils. Ouais. Ah, mais c'est toi, t'es la fille de qui? C'est vraiment la telenovela de l'espace. C'est incroyable. Et le fils méchant, accrochez-vous. Khalélil, ou comment il s'appelle? Kylo Ren. Khalélil. K2000. Et bien, en fait, c'est le fils de Han Solo. Comme ça, on le savait depuis un moment. Hein, C'est-à-dire qu'au moment de faire un nouvel arbre généalogique, ils font bon, c'est qui les personnages du film d'avant, là? Ah, mais c'est... vas-y, ça c'est bien, ça. Eux, ils se sont mariés, puis c'est le fils, voilà, fin. Mais il fallait bien que la force, elle passe par quelque part. Hein. Mais de toute façon, justement, pour les liens, c'est pas des conneries que je vous dis, c'est une anecdote. Pour les liens, tu sais, de famille, ils ont pris vraiment des scénaristes du Mexique qui font des spécialistes de télénovela pour faire les liens de familiaux. Mais ça, c'est vrai, vous vérifiez. Le scénariste de ce film, c'est aussi le scénariste de celui dont on n'arrête pas de parler depuis tout à l'heure. Hein. C'est le même scénariste, en fait. Du premier, enfin ouais. du premier. Ouais, enfin, du mais 4, moi, je pense qu'il s'est pas fait gérer, je me suis fait. Oh putain. Bah, il a fait un coup. Non, non, mais c'est la. C'est la veille. La veille où il fait rendre le scénar, il fait. Oh merde, sur la boue. Merde, j'ai rien fait. Tout, vas-y, qu'est-ce qu'il y a dans le PC là, Star Wars. Ouais, bah celui-là, c'est bon. Non, par contre, là où c'est intéressant, c'est qu'il est en train d'écrire un préquel où on voit le divorce de Han Solo et Princesse Leia, la garde alternée qui fait que du coup, il va partir en vrille. Parce que c'est un problème d'éducation, c'est pour ça. C'est ça, c'est un problème d'éducation, c'est parce qu'ils sont séparés, les parents. Mais voilà. Et alors, moi, franchement, un père et un fils fâchés pour des opinions politiques, ça m'a fait mal. Ouais, moi aussi, je trouve ça dur. Hein. Ça m'a vraiment fait mal. Ouais, ensuite, écoute... c'est la capture numéro 132, puisque nous sommes face à l'interrogatoire entre la fille Jedi et le méchant, Kylo Grimm. Là. Et alors, elle va totalement lui résister. Bah, c'est qui domine. Elle va résister, mais c'est un peu le moment où elle découvre sa force, quoi. Ah ouais. Bastonnade de pouvoir, mais genre... Bah, comment t'as jamais... Enfin, mettons qu'elle ait 25 balais dans le film. Comment, en 25 ans, elle s'est pas rendue compte qu'il y a des fois où elle faisait tomber des trucs quand elle était énervée ou des trucs comme ça, quoi, tu vois. Pour moi, elle l'a complètement mis de côté, quoi. Enfin, tu sens qu'il y a eu un élément traumatisant, de toute façon, dans ça, la vie. Ça, c'est ton interprétation. Mais Julie. Non, tu le vois, là, l'élément traumatisant. La force n'explique pas tout. Hein. Je suis désolé. C'est la recherche à famille. Oui. Ce que dit Julie, c'est très freudien, c'est vrai. Pour les psychanalystes, ce serait plausible. Pour le coup, elle se rappelle pas de comment elle était sur cette planète, ou elle veut pas le dire, en tout cas. Donc, moi, je pense que. Elle va lui demander de retirer son masque. Il va le faire instantanément. C'est Jean Sarkozy en brun, avec un gros pif, et en plus, il a un col roulé. Genre, c'est vraiment un hommage à Jean Sarkozy. Il a un pull sur les épaules. Et il doit partir parce qu'il a une leçon de voile. Ensuite, c'est l'évasion numéro 4553. Alors, évasion par la force. Ah oui, si d'ailleurs, vous savez, petite anecdote qui a circulé partout sur Internet, donc vous devez sûrement le savoir. Vous savez qui est à l'intérieur de ce Stormtrooper qui va la libérer? Non. Eh bien, c'est Daniel Craig, James Bond. Voilà. Qui était sur un tournage pas loin. C'est vraiment une valeur ajoutée, hein, franchement, pour le non, film. Mais moi, tu connais sa voix, c'est amusant de connaître ce détail. Moi, j'avoue, c'est trop marrant. Si t'étais enfin le mec, t'es un figurant de l'extrême sur tous les films. Et là, tu fais, putain, j'ai un rôle de figuration, mais franchement, là, je suis trop chaud. Pour le coup, il est plutôt intéressant. J'ai une réplique, mais bon, je vais être dans le prochain Star Wars. Et là, il y a Manus qui fait, ah, il y a Daniel Craig, il est chaud pour le faire. Désolé, tu sautes. C'est clair, en plus, ça s'est passé comme ça. Mais Craig, il s'est pointé, il fait, ouais, oh, je serais bien chaud de faire un trooper, toi. Et tu sais, ils se sont claqués. Tu sais, genre, avec DJ Abrams, yes, frère, vas-y. Fais-le. Bah surtout moi j'imagine Gigi là je suis dans la merde pour mes heures d'intermittent là. Juste une journée, un petit tournage vite fait là. Et il y a plein d'autres gens en fait qui sont dans les troopers et qui font des caméos mais on le sait pas, mais il y a Michael Giacchino qui était normalement le compositeur de Gigi Abrams à part sur celui-là où c'est John Williams. Voilà, c'est une petite anecdote. Bah en même temps, il a pas composé grand-chose hein, vu qu'il a repris tout Star Wars quoi. Mais non mais là, c'est pas lui qui compose, c'est ça que oui, je t'explique. Oui. Ah, John Williams, tu veux dire? Bah, le nouveau, il a rien fait. Non mais le nouveau, ce que je t'explique c'est que c'était le compositeur sur tous les films de Gigi Abrams sauf Star Wars ou c'est John Williams, là une fois de plus. Ah putain, elle était débile ou bien. Non mais tu ne m'écoutes pas. Et alors là, putain, c'est la catastrophe parce qu'il s'avère que cette nouvelle planète qui peut tirer des faisceaux laser qui cassent d'autres planètes, et ben, elle va tirer sur les rebelles. Et les rebelles, bah, eux, ils sont malins, ils font un plan d'action, je l'ai trouvé relativement simple. Point noir, le navire amiral de l'Empire a la puissance de feu de 100 escadrilles. Mais son système défensif est conçu pour repousser les assauts de grande envergure. Un appareil monoplace doit pouvoir s'infiltrer à travers les défenses extérieures. Excusez-moi, mon général, mais qu'est-ce qu'un poids-mouche peut faire contre une telle forteresse? Eh bien, les impériaux savent qu'ils ne risquent pas d'être menacés. C'est Trifon Tournesol. C'est pas très élaboré. L'analyse des plans apportés par la princesse Leia nous a révélé une faille qui là, s'agit d'exploiter. Tu m'en vais jusqu'à la fin de ta vie. Cela dit, l'approche ne sera pas facile. Il s'agit de manœuvrer de façon à suivre cette tranche en rase de vote jusqu'à ce point-là. La zone de tir a peine 2 mètres de diamètre. Et la bouche d'entrée de la canalisation des aérateurs... Voilà, c'est clairement le professeur Tournesol qui nous dit comment attaquer l'étoile noire. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est pas exactement pareil. Ben si, c'est exactement pareil dans le nouveau film. Il faut aller tout près avec un petit vaisseau. Il y a exactement la même scène dans les tranchées. Il faut rentrer à l'intérieur, il faut tirer partout, il faut ressortir. Et hop, encore une fois, la dernière fois. Pourquoi ils n'ont pas envoyé le vieux avec son coucou d'Independence Day? Il aurait pu le faire, ça, le président, tu veux dire? Oui, le président. America. Alors ensuite, ça manquait parce qu'on n'avait pas vu Hoth, la planète des neiges. Donc ils l'ont combiné avec l'étoile noire, puisque c'est une planète où il y a de la neige. Ouais. Alors, il y a un truc qui m'a fait marrer, c'est que comme il y a un bouclier de protection, il faut que Han Solo, il arrive à la vitesse lumière. Et en fait, pour traverser le bouclier, et en fait, une fois qu'il a traversé, il faut qu'il s'arrête très vite. Il faut qu'il s'arrête très vite. Ouais. Mais genre, à vitesse lumière, enfin, c'est un micro IM de seconde, et il est là, genre, attends, maintenant, hop, et ça y est. Mais mec, là, t'es méga imprécis. Hein. Là, tu fais ça, t'es genre 900 000 km derrière la planète. Tu vois. Déjà que s'écraser à 50 km/h, ça fait mal, alors, à vitesse lumière. Alors là, il atterrit sur une sorte de Avoriaz. Ils sont en haut d'une montagne et tout. Mais sans les Russes, parce qu'il n'y a pas de Russes là. Il n'y a pas de Russes. Avoriaz avec les Russes, là ça fait James Bond, tu vois. Et là en gros, ils sont en haut d'une falaise et tout, genre vraiment, mais à des kilomètres de la base. Il y a un cut, ils sont au cœur de la base. Genre, mais comment ils ont fait? Et ils sont à la recherche de la fille qui retrouve en deux secondes. Il y a une scène coupée où ils font une raclette. Surtout qu'elle se débrouille très bien sans eux, quoi. Bah évidemment, elle a la force. Moi, tu me files la force, c'est pareil, je me barre aussi, quoi. Il y a des cuts assez violents aussi, parce qu'à un moment, ils vont la voir aller de l'autre côté d'un truc, mais genre super loin, il y a un précipice entre les deux. Hop, cut, et ils sont là, genre, ah, salut, regarde, on est là. Et hop, ils se serrent la main. J'avais trouvé ça un peu facile. Ouais. Ouais, trop facile. À noter d'ailleurs que donc le Black, je sais plus comment il s'appelle. Finn, il a toujours sa petite veste, alors qu'il fait moins 50 degrés, quoi. Qu'il est en pleine montagne. Bah. Un petit peu froid, mais... Il aurait pu prendre un petit polaire, quand même. L'amplitude thermique, là, entre les deux planètes, est extrême. Hein. À mon avis, c'est des matières qu'on ne connaît pas. Hein, mais c'est un coup à faire une bronchite, ça. Ouais, ça, c'est vraiment des coups à faire une sale bronchite. Hein. Alors ensuite, on a la confrontation père-fils. Attends, d'abord, il piège avec des mines, là, avec des bombes, exactement comme dans l'épisode 6. Enfin, ça aussi, on peut le dire. Il n'y a pas que de l'épisode 4 dans ce film, il y a aussi l'épisode 6. C'est vrai. Ce serait mesquin de notre part de dire qu'il a copié que sur un film. Il a copié sur deux films. Voilà. Non, c'est vrai que le New Dark Vador va quand même bien réussir son Oedipe parce qu'il va tuer son père à coup de sabre laser. Il ne reste plus qu'à. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y avait un subtil jeu de couleurs avec le bleu et le rouge. Il faut vraiment bien regarder. Hein. Ah ouais, c'est vrai. Surtout sur ton screener. Parce que c'était nul. Putain, en plus, sur mon screener, ça bavait. Mais même au cinéma, je me dis, s'il nous fait chier avec le bleu à gauche, le rouge à droite, machin. Et puis la porte se ferme et machin. Tout le monde s'en doutait, c'est pas possible. Vous savez, moi je l'espérais fortement. De toute façon, ça allait bien méchant dans le. Au moment où son père revient vers lui et lui dit: retourne à Neuilly, reviens à la maison à Neuilly. Tu commences. Maman te fera des cookies. Tu as écouté le dernier album de maman. Vous en doutez, mais même avant cette scène, pendant tout le film. Mais moi j'ai autant foutir. Tout est préparé. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ouais. Le dernier album de ta mère, il est vraiment très bien. Eh ben, tu devrais l'écouter. Bon, ça va les garçons. Tu rentres à la maison maintenant. On imite super mal. Alors Antoine se produit ses imitations tous les samedis. Ah, vous avez le 20e. Écoutez. Bon, stop. Donc ce que je disais, c'est que clairement, pendant tout le film, tout est préparé pour la mort de ce personnage. C'est un film de la passation, quoi. Ouais. Oui, bah de toute façon, il n'aura pas pu retourner un deuxième parce qu'il est à moitié mort déjà. Mais déjà, il s'est blessé sur le tournage, il s'est pété la cheville. Il n'a pas pu tourner pendant un petit moment. Ouais. Ah, moi, mais ça vous a pas choqué sa paralysie faciale là, le fait qu'il ait quand même la moitié de son visage qui part sur la gauche? En fait, j'ai remarqué quand tu commences à baver. Je trouve dur. Alors oui, effectivement. C'est un homme qui vieillit et voilà. Ça vire choco parce que ce fils de pute, il va tout son père. Il a montré c'est qui qui domine. Ah, oui. Et alors là, à la fin, c'est le combat dans la forêt, le combat Kill Bill dans la neige. Alors, c'est toujours pareil. Le mec, il a les méga pouvoirs infinis. Il pourra les tuer en deux secondes, puisque c'est le premier truc qu'il va faire. Il va dégager la meuf, elle va virevolter dans tous les sens pour se taper un arbre. Déjà, une mauvaise branche, ça aurait pu la tuer. Ouais. Et ensuite, il va décider d'affronter en one-to-one un mec qui n'a pas de pouvoir. Genre le nulos infini. Comment ça se fait qu'il le quasi domine? Ouais, non, mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ensuite, ouais. C'est explosion.fr/explosion, puisque tout va péter. Après ça, il y a un combat merdique, séparation de la Terre sous les pieds, comme par hasard. Julie, quelque chose à dire? Non, pas de blague là-dessus. Oui, c'est bizarre d'ailleurs, on comprend pas. Bah, c'était pour bien faire qu'elle n'ait pas, à faire tuer tout de suite. Oui, quoi. Bah, c'était pour clore ce combat, quoi. Ouais. Bien finir d'une façon. Bah ouais, parce que ça aurait été dommage que les deux héros du prochain film meurent directement. Bah, quoi. Attends, déjà, on en a un dans le coma à la fin de celui-là, ça va. Qui est dans le coma? Dans le coma. Bah, Finn, il se réveille pas à la fin de celui-là. Vous avez pas vu le film? Moi, j'anticipe un Finn robot parce qu'il faut quand même qu'il ait un petit peu de force et je suis sûr qu'il va avoir des espèces de trucs mécaniques et tout. Vu qu'on a touché à sa moelle épinière, à mon avis, il va falloir trouver une bonne excuse. je suis pas sûr, mais on verra. Mais je suis médecin. Hein. Et genre Megaman, tu veux dire? Robocop. Et alors, à la fin, on retrouve finalement les plans de l'endroit où est caché. Luke Skywalker. Parce que c'était une carte au trésor, tu vois. Voilà. Mais dans un robot, quoi. Et alors... Non, je vais me planquer, mais bon, garde bien cette carte. Et le robot, il était où? Il était avec nous depuis le début. Quelle aventure, Tintin. Tout était dans les sous-sols de Moulinsart. Alors, c'est nul, ça aussi. Et alors, et en fait, il était où? Bah, c'était tout con, il était en Écosse. Il était en Écosse, ouais. Et puis, bah ça voilà. Ça se voit parce qu'il est en kilt avec une cornemuse. Et on retrouve effectivement un Marc Hamill gros. Non, c'est non, pas il est, vrai. Pour il le est coup, barbu, mais il est pas gros. C'est non, le non, seul non, qui non, est non. mieux maintenant qu'à l'époque, en fait. Il a l'impression il qu'il est pas gros. Hein. De toute façon, ils ont fait un régime avec la princesse. Bah, il a travaillé sur. Ah, non, mais lui, il a fait un putain de régime parce qu'il était vraiment devenu fat. Ah ouais. Fat, Marc. Mais tu le vois dans notre film en plus, là, en ce moment. Fat, Marc. Tu sais, quand il le croisait sur les tournages. Ça va, fat Marc. Moi, je trouve qu'il a vraiment la classe. Est-ce qu'il y a une moquère de... Tu marches plus sur les nuages, hein, Fat Marc. Arrêtez, les gars, vous plaisantez. C'est un point d'honneur, Skywalker. Moi, je trouve qu'il a la classe avec cette barbe de hipster. Moi, je suis assez convaincu. Bah ouais, ouais, c'est la barbe. Alors, on peut poser des questions ultimes, genre, mais qu'est-ce qu'il fait sur son île, là, ça tout, là. Mais bah ouais, au début, dire. Alors, la légende qu'Han Solo dit à un moment, c'est qu'il est parti chercher le premier temple Jedi, c'est ça? Bah, il est parti pêcher du poisson, on est bien pour les. Ah, je pense qu'il est à la il joue clairement au Hobbit, là, c'est pas possible. Je vends mon saumon, ça, tu le retrouves sur un marché dans la dernière scène. Il recherche l'album du groupe de musique Hera. Il est au bon endroit. Je sais pas, mais c'est très émouvant comme scène en tout cas. Enfin, je sais que vous êtes. Moi, je peux vous ça dire. Vous moi, je peux. Moi, ça m'a bien. Non, moi, ça m'a pas ému du tout. Moi, je peux vous dire le 2 et 3. Hein. Moi, un je trouve peu. Que pour le coup, s'il y a un truc à sauver dans ce film, c'est la dernière image en fait. C'est tout. Non, mais c'est beau en plus. Moi, je pense qu'ils se sont mis un peu dans la merde pour le 2 et le 3 parce que là, à part que le nouveau méchant il tue aussi Marc Hamill et qu'ensuite dans le 3 elle tue le nouveau méchant, je sais pas trop ce qu'ils vont pouvoir faire. Non. Oui. Si tu prends la mécanique des autres films, ça veut dire que Marc Hamill va jouer le rôle de Yoda, donc il mourrait naturellement. Il n'aurait pas besoin d'être tué. Ouais, il va mourir. Okay. Alors, c'est vrai qu'il bah, il est pas loin d'ailleurs physiquement, là, ça y est, de Yoda à Marc Hamill. Alors, Skyky, ça va? Bah, reprends un Milky Way, là, Snickers. Ouais, bon, bah voilà. Quelqu'un a quelque chose à ajouter sur ce film? Bah, c'était un jamais. C'était notre avis sur ce film. C'est l'heure d'un second avis. Je n'ai que faire de votre opinion. N'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Alors, épisode exceptionnel, commentaire exceptionnel, j'en ai 10. Figurez-vous. J'ai pas hésité une seconde. Bien, j'imagine qu'il n'y en avait pas beaucoup, Michael. Non, il n'y en avait pas beaucoup. Il y en avait 13. J'en ai éliminé que 3. Alors, on commence avec Quentin F qui nous dit. J'ai vu le film qui a commencé à 20h45. Il est super bien, rien à dire, 5 étoiles. Merci. Il a bien fait de préciser parce que la séance de 22h, c'était pourri. Hein. On a Selim O qui dit « Un film à voir absolument, ce film est juste magnifique. George Lucas, qui est un très bon réalisateur, qui continue à faire ses preuves. » Petit Wok 92 qui dit comme les 6 autres, un pur chef-d'œuvre. La suite logique, il vient du 80, c'est un niveau qui vient du 92 en fait. La suite logique a bien été respectée. Histoire est cohérente. Quel bonheur de vous retrouver nos vieux héros des épisodes 4, 5, 6. Cheveux blancs, rides et poussières en plus. Les effets spéciaux sont juste comme il faut pour respecter la suite. En revanche, l'acteur qui joue le méchant est moche, 5 étoiles. Docteur Gangsta, qui nous dit « Je me suis pris une énorme claque. Les batailles de vaisseaux superbes. Un scénario qui écrit, qui respecte l'univers, une bande sonore vraiment belle, un méchant laid, bon, mais coléreux. Beaucoup de fans diront que la mort de Han Solo n'est pas justifiée et très, et trop courte. Mais vous pensez, hein? Vous pensez qu'il y a une armée qui est prête à tout péter? Normal qu'il va pas rester à rien faire. Le méchant est sûrement moche, mais il est sans cœur, même prêt à tuer son père. 5 étoiles. Jérémy Laurette. Jérémy Laurette qui nous dit... Je commence à en avoir marre des gens qui disent que l'acteur Kylo Ren est moche. Et qu'il n'est pas charismatique pour un sou. Alors déjà, juger quelqu'un sur son physique, c'est pathétique. Hein. Moi, je le trouve classe. Je te prédis que ce mec est pas très beau. Je le trouve classe avec et sans masque. L'acteur est génial et ensuite, pas charismatique. C'est quand que les gens vont comprendre que c'est voulu? Depuis le début, on nous montre Kilo, comme un mec colérique, jeune et immature. Donc stop de cracher sur un choix que je trouve intéressant. Après, chacun son avis, mais stop de dire qu'il est naze, car pas charismatique, c'est voulu. Faut lire entre les lignes, hein. 5 étoiles. Benjamin Arion qui nous dit « Bien sûr, cela change des autres, mais j'ai quand même adoré. Suspense et action, mystère et boule de poil. Bref, hâte de voir le suivant. » 5 étoiles. Mystère et boule de poil, cette fameuse expression. Ah oui, l'expression si connue. Nicolas Gaillet qui nous dit « Méga culte. Mes petites théories, 2 points. Mes petites théories, 2 points. La fille est en fait la cousine, fille de Luc. Alors au début, je pensais que c'était la sœur, mais elle a l'esprit rebelle de Luc. Et lorsqu'elles rencontrent la princesse, elles ont dans leurs yeux de l'amour, mais pas de sentiment de culpabilité. La princesse n'aurait pas abandonné sa fille et élevé un fils. Il faut revoir la scène où elle touche le sable pour la première fois. Le géant est très intrigant, je pense qu'en fait il est minuscule. La grande question de cet épisode est quelle est la vraie raison de l'exil de Luc? Et si c'est bien sa fille qui en est la mère? Pourquoi l'abandonner? Alors moi je propose à Nicolas Gay qui nous envoie un arbre généalogique parce que moi j'ai rien compris. Mais je pense que lui quand il regarde pas Star Wars, il regarde des telenovelas pour le coup. King J Kento qui nous dit Star Wars. Il est enfin sorti après tant d'attentes. Et J.J. Abrams nous a encore fait voir des couleurs. Ça, il nous fait voir des couleurs. Hein. Oh là là, tu l'as vu en Technicolor, toi aussi? Oh oui. Drôlement belle couleur, on dirait mon père. Oh, le petit, il m'a encore fait voir des couleurs tout le week-end. Marie-Josique R qui dit « Trop bien, effets spéciaux géniaux. Amusé de voir les acteurs des anciens épisodes. Très bon scénario, j'ai adoré. Vu le 28 décembre 2015 avec Boubou. » Et enfin, on a Boromir. Oh, alors, bah, lui, il a alors, pas le droit. C'est l'inventeur. C'est pas son domaine. C'est l'inventeur du mot film. Star Wars, le réveil de la Force, est tout bonnement génial. Excellent. Quel film! Et puis, c'est du pur bonheur de revoir un nouveau Star Wars. Et en plus, je trouve le film réussi, du début à la fin. Niveau scénario, c'est génial et bien ficelé. Les acteurs sont excellents. Et quel plaisir de revoir les premiers personnages de Star Wars. Et l'histoire du film est prenante pendant tout le film. Et l'intrigue du film est soutenue et bien foutue. La BO du film est aussi géniale et colle bien au film. Normal, c'est le même compositeur de tous les Star Wars. Donc normal que ce soit toujours aussi magique. Sinon, pour moi, je n'ai trouvé aucun défaut à Star Wars Le Réveil de la Force. C'est vraiment un film réussi du début à la fin et très bien réalisé. Quel film! J'ai adoré! Bref, un super et excellent film! À voir pour son ambiance, son intrigue! Bref, pour tout, un film à voir! 5 étoiles! Ah, celle-là, elle est mortelle! Bah, elle est pas dans le film! Ouais! Quand tu l'as, celle-là en live, tu sais quand tu vois, je l'ai vu en live! Ouais! Elle est vraiment bien! Je la connais par cœur! D'ailleurs, je vais vous la faire! Ah, je la connais aussi, tiens! Voilà, c'était notre avis et celui des autres sur Star Wars. Exceptionnellement, je trouve qu'on a un peu trop donné notre avis. On vous promet qu'on le fera moins la prochaine fois, mais j'avais très très envie de donner mon avis sur ce film quand même. Le jeu concours Parlons évidemment du jeu concours. Est-ce que Mickaël, tu peux nous rappeler les bails si vous souhaitez du participer à ce concours? Si vous souhaitez participer à une émission 2 heures de perdu, vous avez la possibilité de le faire en nous envoyant un enregistrement de moins d'une minute sur notre adresse mail que vous trouvez sur notre site internet 2hdp.com. .fr. Ne faites pas .com, je le répète, c'est du chinois. Et alors, est-ce qu'il faut respecter quelque chose? Il faut parler du film que vous voudriez qu'on traite à l'antenne lors de l'émission si vous êtes sélectionné. Avec vous, puisque participer, ça veut pas être bien juste assis à côté de nous. Exactement. Et donc, tentez votre chance, vous êtes les bienvenus. C'est tout? Bah, je pense qu'on a fait le tour. On se retrouve la semaine prochaine avec... Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre petite surprise. Voilà. Eh oui. Eh oui. Allez, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.